Pendant une année dernière, depuis son ouverture, le Musée central d'éducation de classe Rimnagée a accueilli plus de 267 000 militaires et civils coréens de plus de 5 900 unités d'activité, comme le Comité national de la planification, le ministère du Travail et le complexe thermoélectrique de Pyongyang. Le musée, point important de l'éducation anti-impérialiste, anti-américaine et de classe, expose plus de 1670 photos, une centaine d'ouvrages d'art comme maquettes panoramiques, statues en cire et sculptures, et plus de 3000 vestiges et pièces probantes qui révèlent la nature agressive et exploiteuse et les crimes barbares des impérialistes américains, japonais et des ennemis de classe.